Le fondement de l'islam est sa base. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Le fondement de la religion islamique et sa base repose sur deux points. Le premier étant l'ordonnance d'adorer Allah sans rien lui associer et l'exhortation de ceci, s'y rallier, excommunier celui qui la délaisse. Le deuxième est la mise en garde d'associer à Allah dans son adoration avec dureté et inimitié et excommunion de celui qui la commet. Et ceux qui ne sont pas d'accord sur les bases de At-Tawahid diffèrent. Les pires sont ceux qui vont à l'encontre de tout ce qui a été cité. Il y a ceux qui ont adoré Allah sans lui donner d'associé, mais ne rejettent pas l'association et ne prennent pas pour ennemis ceux qui la font. On trouve parmi eux ceux qui les prennent pour ennemis, mais ne les excommunient pas. Il y a ceux qui n'aiment pas At-Tawahid, mais ne le détestent pas. Il y a ceux qui les excommunient et prétendent que c'est une insulte envers les gens pieux. Il y a ceux qui ne détestent pas l'association et qui ne l'aiment pas. Il y a ceux qui ne connaissent pas l'association, mais qui ne la rejettent pas. Il y a ceux qui ne connaissent pas At-Tawahid, mais ne le rejettent pas. Il y a ceux qui, ils sont les plus dangereux, pratiquent At-Tawahid, mais ne connaissent pas sa valeur et ne rejettent pas celui qui le délaisse et ne les excommunie pas. Et il y a ceux qui ont délaissé l'association, mais qui ne connaissent pas sa gravité. Ils ne prennent pas pour ennemis les associateurs et ne les excommunient pas. Tous ceux-là sont ceux qui sont allés à l'encontre de ce avec quoi les prophètes sont venus de la part d'Allah, et Allah est le plus savant. Voir dans Majmou' al-Fatawa wa al-Rasa'il wa al-Ajwiba de Cheikh Mohammed, à la page 126. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Cheikh rahmahullah a une explication d'une grande valeur en relation sur ce que nous avons cité dans Majmou' al-Fatawa al-Rasa'il numéro 1, page 48. Ô toi dont Allah t'a comblé par l'islam et qui sait qu'il n'y a pas de divinité à part Allah. Ne crois pas que si tu dis « Ceci est la vérité et je délaisse ce qui ne va pas avec elle, mais je ne me préoccupe pas des associateurs, je ne dis rien à leurs propos. » Ne crois pas qu'avec ceci tu peux être musulman. Cependant, il est nécessaire de les détester et détester ceux qui les aiment, les prendre pour ennemis, comme a dit ton père Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Sourate 60, verset 4. Et Allah dit, donc quiconque mécroit aux rebelles, aux taroutes, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Sourate 2, verset 256. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du taroute. Sourate 16, verset 36. Si un homme dit, je suis le prophète, il est sur la vérité, mais je ne me préoccupe pas de Al-Lat ou Al-Uzza, les anciennes divinités chez les Arabes. Je ne me préoccupe pas de Abu Jahl et ses semblables. Je n'ai rien à voir avec eux. Son islam ne vaut rien. Voir Majmou' al-Fatawa wa al-Rasa'il wa al-Ajwiba, page 126. Et j'ajouterai l'explication du fondement de l'islam et son principe par Abdurrahman ibn Hassan al-Shir, le petit-fils de l'auteur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وبه نستعين ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sa parole, le fondement de l'islam et son principe sont deux choses. Le premier, le commandement d'adorer Allah seul et sans associé, et inciter les gens, s'allier pour cela, et exclure de l'islam celui qui l'abandonne. Je dis, et les preuves de cela dans le Coran sont trop nombreuses pour être énumérées, comme la parole d'Allah dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Allah a ordonné à son prophète qu'Allah l'honore et le salue d'appeler les gens du livre à adhérer au sens de la phrase « Il n'y a de vraie divinité qu'Allah », à laquelle il appela les Arabes et autres. Cette parole c'est « Il n'y a de vraie divinité qu'Allah ». Il explique alors en disant que nous n'adorions qu'Allah. Lorsqu'il dit que nous n'adorions, cela correspond à « il n'y a de vraie divinité ». et cela conteste la validité de l'adoration vouée à autre qu'Allah. Quant à sa parole, si ce n'est Allah, il s'agit de l'exception de la parole du pur monothéisme. Allah a donc ordonné à son prophète, qu'Allah l'honneur et le salut, d'exhorter les gens à n'adorer que lui seul et de renier la validité de l'adoration de tout autre que lui. Ce genre de versets sont nombreux et ils démontrent que la déification est l'adoration et qu'elle ne vaut pour rien ni personne d'autre qu'Allah. Allah a dit « Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui ». Décréter veut dire ordonner et prescrit. Ce sont deux synonymes. Lorsqu'il dit « que vous n'adoriez », cela correspond à « il n'y a de vraie divinité ». Et lorsqu'il dit « que lui », cela correspond à « si ce n'est Allah ». Ceci est l'unicité d'Allah dans le droit au culte, et c'est le message de tous les prophètes. Ils dirent à leur peuple « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui ». Il faut impérativement contester et désavouer l'idolâtrie dans le culte à sa racine, ainsi que celui qui le commet. C'est ce qu'Allah dit de son ami proche Ibrahim, qu'Allah l'honneur et le salut. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et son peuple « Je désavoue ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, car il va me guider ». Il faut absolument désavouer l'adoration vouée aux objets de culte en dehors d'Allah. Allah dit également au sujet d'Ibrahim « Je m'écarte de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah ». Il est donc obligatoire de s'écarter de l'idolâtrie et de ceux qui la commettent, et les désavouer tous les deux. C'est clairement exprimé dans sa parole. Vous avez un excellent modèle à suivre en Ibrahim et ceux qui furent avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple « Nous sommes innocents de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous désavouons et entre vous et nous apparaîtra à tout jamais l'opposition et la haine jusqu'à ce que vous n'ayez foi qu'en Allah seul. » Et ceux qui furent avec lui sont les messagers, comme le mentionne Ibn Jarir. Ce verset inclut tout ce qu'a mentionné notre shir, rahimahullah, exhorté au monothéisme et rejeter le polythéisme, s'allier au monothéisme, exclure de l'islam celui qui abandonne le monothéisme en donnant un associé à Allah, ce qui invalide l'islam. Celui qui commet du polythéisme abandonne fatalement le monothéisme, car ces deux choses sont deux opposés qui ne peuvent se réunir au même endroit. Dès que le polythéisme apparaît, le monothéisme disparaît fatalement. Allah Ta'ala dit au sujet de celui qui commet l'idolâtrie. Et il a attribué à Allah des rivaux pour égarer de son sentier. Dit, amuse-toi donc avec ta mécréance un court moment. Tu es certes parmi les gens du feu. Allah le jugea mécréant à cause qu'il lui a attribué des égaux, qui sont des associés dans l'adoration. Il y a beaucoup de versets de ce genre. Un homme ne sera pas monothéiste tant qu'il n'aura pas contesté et désavoué l'idolâtrie et banni de l'islam celui qui le commet. Puis il dit, le deuxième, avertir contre l'adoration d'un autre qu'Allah, faire preuve de sévérité sur cela, se séparer pour ça et exclure de l'islam celui qui le commet. Le monothéisme ne se valide pas sans cela, et c'est la religion des prophètes. Ils ont averti leur peuple contre l'idolâtrie, comme le dit Allah. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Et la parole d'Allah, et nous l'avons envoyé avant toi de messager, sans que nous ne lui révélions qu'il n'y a de divinité que moi, adorez-moi donc. Et la parole d'Allah, et rappelle-toi le frère des Aad, quand il avertit son peuple, Al-Ahqaf, alors qu'avant et après lui, des avertisseurs sont passés en disant, n'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Lorsqu'il dit l'adoration d'un autre qu'Allah, l'adoration est un terme incluant tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte intérieur ou extérieur. Lorsqu'il dit « faire preuve de sévérité sur cela », c'est que l'on trouve dans le Coran et la Sunna et fuyez donc auprès d'Allah. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Ne placez pas avec Allah une autre divinité. S'il n'y avait pas eu cette sévérité, alors ni le prophète, qu'Allah l'honneur et le salut, ni ses compagnons de Quraysh n'auraient subi des terribles oppressions, comme cela fut mentionné dans le détail dans l'histoire du parcours prophétique. S'ils subirent cela, c'est pour avoir injurié la religion des idolâtres et méprisé leur faux dieu. Et lorsqu'ils disent se séparer pour ça, c'est mentionné dans la parole d'Allah. Tuez les idolâtres où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Et les versets dans ce sens sont très nombreux, comme dans la parole d'Allah. et combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fléau et que la religion soit entièrement pour Allah. Et le fléau, c'est le polythéisme. Allah a taxé de mécréants les idolâtres dans d'innombrables versets. Il faut donc les exclure de l'islam. C'est indissociable du témoignage qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, la parole du pur monothéisme, la ilaha illallah. Le sens de cette parole ne peut se valider sans exclure de l'islam celui qui attribue à Allah un associé dans son adoration, comme le mentionne le hadith authentique. Quiconque témoigne qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et désavoue ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens sont sacrés et son sort est auprès d'Allah. Et lorsqu'il dit « et désavoue ce qui est adoré en dehors d'Allah », ceci soutient l'idée de la contestation qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Son sang et ses biens ne seront protégés qu'avec cela. S'il doute ou hésite, son sang et ses biens ne sont pas protégés. Ces choses sont l'accomplissement du monothéisme, car le témoignage « il n'y a de vraie divinité qu'Allah » fut lié dans les hadiths à des conditions lourdes qui sont « connaître ce que cette phrase veut dire », « consacrer le culte à Allah », la sincérité, prononcer ce témoignage sincèrement, la certitude de ce qu'elle signifie et l'absence de doute. Un homme ne devient monothéiste qu'en réunissant toutes ces choses et en étant convaincu, en les acceptant, en les aimant, en se séparant et en s'unissant pour sa cause. C'est en réunissant tout ce que notre shir a mentionné que l'islam se réalise. Puis le shir dit, quant à ceux qui contredisent cela, ils sont de plusieurs catégories. La pire est celui qui le contredit totalement. C'est-à-dire en acceptant l'idolâtrie et en le prenant comme mode de vie, et en rejetant le monothéisme et en étant convaincu de sa nullité, comme c'est le cas de la plupart des gens. Et la cause de cela est qu'ils ignorent ce qu'enseignent le Coran et la Sunna sur la définition du monothéisme et ce qui l'invalide. L'idolâtrie, les faux dieux, le suivi des passions et traditions des ancêtres. Leur cas est le même que ceux d'avant eux. Les ennemis des prophètes, ils accusèrent les monothéistes de mensonges, de faux témoignages, de diffamation et de débauche. Et leur seul argument est « c'est ainsi que nous voyons nos ancêtres faire ». Cette catégorie de gens et ceux qui vinrent après eux ont contredit l'enseignement de la parole du monothéisme consacré et la raison pour laquelle elle fut instaurée. Et la religion qu'elle renferme, qui est la seule religion acceptée par Allah, la religion de l'islam pour laquelle Allah envoya tous ses prophètes et messagers et qui fut la prêche de chacun d'eux. C'est une chose évidente dans les récits qu'Allah nous fit à leur sujet.